Le lendemain, 24 décembre, le départ eut lieu dès l'aube. Le soir, après une bonne journée de marche, la petite troupe campa sur les bords du lac Blanc. Une plaine admirable, toute diaprée de chrysanthèmes, s'étendit au-delà du lac Blanc. Le lendemain, Glenarvan et ses compagnons au réveil auraient volontiers applaudi le magnifique décor offert à leur regard. Ils partirent. Quelques casoirs bondissaient dans la plaine sans qu'il fût possible de les approcher. Cependant, le major fut assez adroit pour frapper d'une balle au flanc un animal fort rare et qui tente à disparaître. C'était un jabirou, la grue géante des colons anglais. Les reflets violets et pourpres de sa tête contrastaient vivement avec le vert lustré de son cou, l'éclatante blancheur de sa gorge et le rouge vif de ses longues jambes. La nature semblait avoir épuisé en sa faveur toute la palette des couleurs primaires. Ce jour-là, les voyageurs dépassèrent de 30 minutes le 141e degré de longitude. Un curieux spectacle intéressa la troupe de Glenarvan. Un troupeau en marche, d'où s'échappait tout un concert de bêlements, de hennissements et de beuglements. Un homme apparut. Il se nommait Saint Michel. Tous ces animaux, achetés maigres dans les plaines des montagnes bleues, allaient s'engraisser au milieu des pâturages salutaires de l'Australie méridionale, où ils sont revendus avec un grand bénéfice. Mais quelle patience, quelle énergie pour conduire à destination cette troupe rétive et quelles fatigues à braver. Saint Michel était parti depuis 7 mois. Son interminable voyage devait durer 3 mois encore. Il avait avec lui, pour l'aider dans cette laborieuse tâche, 20 chiens et 30 hommes, dont 5 noirs. Le chariot s'arrêta le soir au pied du mont Talbot. On était le 25 décembre, le jour de Noël, le Christmas, tant fêté des familles anglaises. Mais le steward ne l'avait pas oublié, et un souper succulent, servi sous la tente, lui valut les compliments sincères des convives. La journée du lendemain, 26 décembre, n'offrit aucun incident utile à relater. Le soir, la troupe campa à 5 milles au-delà du lac Lonsdale. Le lendemain, à 11 heures, le chariot atteignit les bords de la Wimmera, sur le 143e méridien. Là, ni radeau, ni pont. Il fallait passer pourtant. Ayrton s'occupa de chercher un guet praticable. Il n'existe aucun autre moyen de franchir cette rivière, demanda Glenarvan au quartier maître. Non, Miller, répondit Ayrton, mais ce passage ne me semble pas dangereux. Nous en tirerons. Les cavaliers entourèrent le lourd véhicule et l'on entra résolument dans la rivière. Tout alla bien jusqu'au milieu de la Wimmera. Mais alors, le creux s'accusa davantage et le monta au-dessus des jantes. Les bœufs, rejeteurs du guet, pouvaient perdre pied. Ayrton se mit à l'eau et s'accrochant aux cornes des bœufs, il parvint à les remettre en droit chemin. En ce moment, un craquement se fit. Le chariot s'inclina sous un angle inquiétant. L'eau gagna les pieds des voyageuses. Tout l'appareil commença à dériver. Fort heureusement, un vigoureux coup de collier rapprocha le véhicule de la rive opposée. Bientôt, hommes et bêtes trouvèrent en sûreté sur l'autre bord, non moins satisfaits que trempés. Seulement, l'avant-train du chariot avait été brisé par le choc. Cet accident demandait une réparation prompte. Ayrton proposa d'aller à la station de Black Point et d'en ramener un maréchal ferrant. « Que vous faut-il de temps, lui dit Glenarvan, pour faire ce trajet et revenir au campement ?»« 15 heures peut-être, répondit Ayrton, mais pas plus. Partez donc, et en attendant votre retour, nous camperons au bord de la Wimmera. »